c'est d'accepter. Est-ce que recevoir un ordre, c'est d'accepter d'être manipulé? Ça dépend bien gros du point de vue puis de la conscience de celui qui point de vue. Parce que de toute façon, l'humain qui refuse un ordre est manipulé, puis l'humain qui accepte un ordre est manipulé. Sauf que tu choisis le manipulateur. Accepter un ordre, c'est plutôt choisir qui va te manipuler ou qu'est-ce qui va te manipuler. L'humain reste manipulé pareil. C'est une vraie farce de dire, poser disons, la question elle-même, elle n'a pas de sens cosmique réel. Puis est-ce que tu peux être un meneur quand même si... Mais le meneur est totalement manipulé. Le général qui dit « Passez par la gauche, puis rentrez-leur dedans », pourquoi qu'il leur dit ça? Ben, c'est parce qu'il y a un trou ce côté-là, puis s'ils passent par la gauche, il va perdre. Il est manipulé. C'est la situation, c'est les ennemis qui lui ordonnent quoi faire, s'il veut gagner. Je vois le monde avec des yeux spirituels, et pourtant la réalité de cette perception est présente. Comment faire tomber le mur spirituel sans faire sauter l'ego qui croit réel la coloration de la vision du monde qu'il perçoit? La question qu'on devrait poser, c'est est-ce que cette vision spirituelle vous nuit? Si elle ne vous nuit pas, on s'en fout. Si elle vous nuit, on va tomber tout seul. Si le soleil crée l'organisation interne et le désordre externe, est-ce que les trous noirs créeront le contraire? Sinon, pourquoi et quel est le rôle du trou noir? Le trou noir, c'est un soleil qui est extrêmement bien organisé, qui en est rendu à un point tel où la structure d'organisation fait que même la lumière, avec sa célérité, ne parvient pas à s'y échapper. Un trou noir, c'est un soleil. C'est un soleil qui conserve sa lumière. Donc, la lumière, il la crée et il la ramène vers lui. Le trou noir engendre, à un moment donné, peut engendrer des étoiles de neutrons, des étoiles au noyau de fer. Et à un moment donné, de toute façon, ces phénomènes-là finissent par éclater et en projetant partout dans le phénomène sidéral, tout ce qui servait de constituant à l'étoile même. Il y a quelques trous noirs qui ne peuvent plus éclater parce que leur masse est tellement imposante que la gravité, la courbure de l'espace-temps autour d'eux est d'une courbure telle qu'elle fait 360 degrés, elle est parfaite, c'est un cercle. Et qu'est-ce qui se passe dans un trou noir? Eh bien, on pourra en parler, j'en ai déjà parlé un peu sur une conférence à un moment donné, une conférence spéciale, mais ça échappe un peu, on peut y revenir si on a du temps vers la fin de partie-là, ça échappe un peu à ce que j'aimerais qu'on fouille aujourd'hui. Est-ce qu'on se dirige vers une société où il y aura des robots qui vont prendre la place de l'homme afin que l'homme ne travaille plus? Si oui, est-ce que ça mettrait l'homme dans une position où il deviendrait riche? Si oui, est-ce que ça sera un équilibre parfait? L'équilibre parfait. Bon, premièrement, pour arriver à fonctionner, on doit vivre dans un déséquilibre parfait. L'équilibre parfait, c'est la recherche d'une forme d'entropie. L'équilibre parfait, c'est l'harmonie, c'est la stagnation totale. On aura un équilibre parfait lorsque tout ce qui est déséquilibré sur la planète Terre aura été rééquilibré par l'homme. Lorsqu'il n'y aura plus de pétrole, lorsqu'il n'y aura plus de charbon, lorsqu'il n'y aura plus de combustible nucléaire, lorsqu'il n'y aura plus rien de ce genre-là, lorsque l'énergie sera totalement inutilisable, alors on aura l'harmonie parfaite. On ne polluera plus, on ne tuera plus et on ne vivra même plus. Bon. Alors ce sera l'équilibre parfait, quand l'homme ne sera plus là. Mais parfait, ça. Les dinosaures devaient attendre encore pour se réincarner. Non, le déséquilibre doit rester total. L'être humain est un être qui tend à harmoniser les choses. C'est pourquoi il se dirige vers sa propre destruction. Il épuise les ressources énergétiques en faisant en sorte de les restaurer dans un plan d'équilibre. On ne doit pas. Pendant que la Terre a passé des milliards d'années à accumuler de l'énergie, l'homme prend le charbon, prend le pétrole, prend ces choses-là, et en quelques années, en quelques millénaires, va redonner à la Terre la forme qu'elle avait avant la naissance de l'homme. Maintenant, est-ce qu'on se dirige vers une société où la robotique va prendre le dessus sur le travail de l'homme pour libérer l'homme du travail? Donc, pour libérer l'homme des lois de Dieu. Tu gagneras ton pain, la sueur de ton front. On va le gagner. Pendant longtemps, il y en a qui l'ont gagné à la sueur du front des autres. Et puis, à un moment donné, on pourrait le gagner à la sueur de l'huile, n'est-ce pas, des robots. On devrait, en tout cas, tout faire pour se diriger vers une société robotisée. Mais pour ça, il faudra que 99,9% des personnes qui ont 40 ans et plus soient mortes. Alors, le petit pourcentage qui reste, c'est peut-être plus autre. Pourquoi? Pour la simple raison que tous ceux qui détiennent le pouvoir du monde ont 40 ans et plus, et ce sont ceux et celles qui refusent en majorité le 9. Il y a des exceptions, évidemment, ceux-là, c'est correct. Comme il y a quelques jeunesses qui n'ont pas d'affaires là. Mais il faudra donc attendre. Et ceux qui ont 30 ans, avant que les 40 ans et plus disparaissent, vont avoir 40 ans et vont être colorés. Alors, la roue doit avancer de 10 ans en 10 ans, ce qui nous donne pour que, si l'humanité ne se détruit pas avant, pour avoir une société robotisée, il faudrait 60 à 80 années pour bien faire les choses. Maintenant, ça n'empêche pas des gens civilisés de se réunir et de former des petites micro-sociétés robotisées. Ça ne vous empêche pas d'avoir une maison super robotisée si à un moment donné, vous avez l'argent pour qu'il faut pour. Mais la question est une société de robotique. C'est autre chose. Avec des automobiles qui se conduisent tout seuls, tu n'as plus de volant, plus rien. Tu dis où tu vas, ils t'amènent là. On parle d'une société robotisée. Plus besoin de policiers. Parce que quand un voleur va rentrer dans une banque, il ne sortira pas. La banque va être robotisée. Bon, c'est logique. S'il y a encore des animaux humains de cette espèce, qui recherchent la facilité. La création est un accident, de par sa définition. Un accident est ordinairement malencontreux. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose avait intérêt à ce que la création ait lieu ou n'ait pas lieu? Bon, j'ai expliqué aussi assez souvent que la création était un accident du point de vue de tout ce qui était créationnalisé, de tout ce qui est à l'intérieur de la création. Ce n'est pas un accident du point de vue de ce qui est à l'extérieur de la création parce que la création n'a jamais existé. Les gens créatifs me semblent plus ouverts aux idées neuves. Est-ce vrai? Non. Ce qu'elles en font, c'est autre chose. Non, les gens créatifs ne sont pas ouverts à des idées neuves. Les gens créatifs, ils sont créatifs, c'est-à-dire qu'ils ont l'illusion d'être créatifs. Maintenant, pour être créatif, il faut conserver la meilleure impression de leur créativité. Ils ont besoin de voler le maximum d'informations d'autrui. Et là, on dit qu'ils sont ouverts. Oui. Soyez compositeur de chansons, vous rencontrez un gens créatif. Allez lui dire qu'est-ce que vous avez composé. La loi va être ouverte. Si vous prenez 6 mois avant de sortir votre chanson, elle va sortir sous un autre nom. Son nom. Il est créatif, il est ouvert. J'habite plusieurs corps par jour. À quelle vitesse je quitte un corps pour être dans l'autre? L'instantanéité est-elle la vitesse maximum qui doit donner l'illusion de la stabilité? Ah oui, l'instantanéité, c'est ce qui est le plus rapide. Ça va toi. Plus vite que l'instantanéité, on retourne dans le passé. C'est la frontière maximum. Si on se déplace avant de s'être déplacé, c'est qu'on est mémoriel, donc on est déjà plus là. Alors, plus vite que l'instantanéité, c'est déjà se ralentir. Lorsque l'ajusteur de pensée devient opérationnel, sert-il en même temps de rectificateur d'événements? Y a-t-il un lien entre ta parole juste et l'événement juste? Est-ce interactif? Lorsque l'ajusteur de pensée devient opérationnel, sert-il en même temps le rectificateur d'événements? Non. L'ajusteur de pensée est là uniquement pour vous faire chier. Bon. Alors, il ne rectifie pas les événements, c'est l'intelligence qui peut le faire. Y a-t-il un lien entre une parole juste, entre parole juste et événements justes? Non plus. Les événements sont toujours justes, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en fonction de ce qu'ils sont eux-mêmes. Une parole juste est une parole qui devrait être ajustée en fonction de l'intelligence qui veut la manipuler, donc qui oblige le récepteur à ne jamais être capable d'interpréter. Une parole juste et une voix juste obligent la structure atomique à réagir à l'intentionnalité apparente cachée derrière le centre laryngé. Celui qui a une parole et une voix juste a la faculté de guérir les corps physiques, a la faculté d'ouvrir les portes sans que personne n'y touche, la faculté d'obliger quelqu'un à faire quelque chose que son ego ou l'astral ne veut pas qu'il fasse, il a la possibilité de traverser les murs, etc., etc., etc. Parole et une voix super juste, c'est le verbe. La relation déborde-t-elle sur autre chose? Non. Est-il juste de dire que la marque de ton faisceau est le verbe? Moi, je ne m'étais jamais posé la question. C'est une bonne question. Puis-je tâter de la question? Oui. En a-t-il de même pour les autres faisceaux? Non. Sinon, quelles est ou quelles sont leurs marques? Alors, j'en ai déjà parlé aussi dans une conférence, à quel esprit êtes-vous relié? On parlait donc des faisceaux et j'ai donné toute la mécanicité qui permettait aux individus de savoir de quel faisceau ils étaient reliés. Tous les moyens. La manipulation de questions dans la tête d'une personne est-elle la même que la manipulation d'une certaine... joute de Mississippi où la plupart des rondelles étaient contrôlées? Ben, c'est un parallèle, on peut en faire plein. Continue. Est-elle sous-entendue par la même intelligence, par le même ajusteur collectif? Vous savez qu'est-ce que c'est que de déléguer? Ceux qui ont des entreprises savent quelle est la grosse problématique dans le délégage. Vous dites, amène-en 8. L'individu part, il délègue. Il dit, il faut l'amener 8 fois. Alors, l'autre, il part, il prend 8 individus, puis il leur dit, amenez-en toutes une fois. Chacun part. Là-dedans, il y en a 2-3 qui se disent, il faut l'amener une fois. Mais je connais le boss, quand on va y avoir amené, il faut qu'on aille chez d'autres, comment prendre 2 dessus. Il y en a d'autres qui se disent, je vais aller au restaurant, il ne faudrait pas être présent, il n'a pas dit que c'était urgent. Il y en a un autre, lui, il se casse la gueule en s'en allant. Et etc., etc. L'intelligence, quand elle dirige à travers l'astral, elle délègue. L'astral délègue à travers l'homme. Alors évidemment, lorsque l'intelligence est exprimée par l'homme dans la finalité de son expression, ce n'est pas nécessairement en correspondance avec ce que l'intelligence avait voulu. L'ajusteur de pensée, c'est un canal qui est un pont, qui saute par-dessus un paquet de délégués, qui ajuste la pensée en replaçant des filtres, en ajustant surtout au niveau de la parole. Lorsque l'être humain parle dans sa tête, il s'instruit. Cela donne de l'énergie au rectificateur de pensée qui, lui, va recolorer la décoloration pour faire en sorte que ce qui était décoloré retrouve sa coloration primaire. Ce n'est pas instantané, mais c'est exact. Alors, lorsque l'intelligence s'exprime, lorsque l'intelligence traverse tout ce qu'il a à traverser pour arriver à être exprimé, c'est jamais comme c'était. Plus on se rapproche de l'intelligence, plus télépathiquement on est d'accord. Plus on est éloigné de l'intelligence, plus on est mémoriel ou traditionnel, plus on devra être en désaccord. Alors, l'organisation sera la tradition, puis le désordre sera les traditionnalistes. Si une personne refuse alors de servir de rondelle au jeu de la question... La personne ne refuse pas de servir de jeu, de rondelle dans le jeu. Le peut-elle si elle n'a aucun libre-arbitre? Mais non, on peut pas. Peut-on s'écœurer d'une... Non, on peut pas. ...manipulation intelligente? Non. On peut découvrir qu'on est écœuré d'une manipulation intelligente. C'est l'ego. L'ego est toujours écœuré de toute façon. Bon, c'est pas même compliqué. Ça nous mène où et vers quoi? Ça nous mène là, vers ça. Peux-tu refuser, toi, de jouer au jeu de la réponse? Non. As-tu un libre arbitre? Non. Si oui, pourquoi joues-tu encore? Voilà, ça répond à la question. Est-ce des raisons intelligentes qui te permettent de continuer? Si oui, lesquelles? Ou est-ce par intérêt? Si bien oui, ni l'autre. Manipuler. Est-ce l'antimatière? Est-ce que l'antimatière est la même chose que le rien? Non. Les deux ensemble, la matière et l'antimatière, c'est la même chose que le rien. Du point de vue de la forme, dans la réalité, c'est de l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'antimatière? C'est rien. Mais non, je viens de dire que c'était pas ça. Un atome d'antimatière, c'est un atome qui est constitué d'électrons, autour duquel tournent des protons. Bon, simple. Quand un atome d'antimatière touche ou rencontre un atome de matière, les protons rencontrent les électrons. Les électrons rencontrent les protons du noyau. Les électrons se dégagent. Enfin, on recrée des atomes qui vont être, premièrement, la friction entre les deux va normalement engendrer une explosion majeure à cause des forces interactives qui s'opposent et qui s'attirent. Et ça va dégager énormément de traces mémorielles. Ça va dégager de l'énergie. Ils s'annulent pas. C'est une forme d'annulation du point de vue de leur expression. Mais ça disparaît pas dans le néant. Il va rester de l'énergie. Okay. D'ailleurs, la science travaille de plus en plus sur l'antimatière. On en crée d'antimatière, aucun problème. Quand la création est apparue, il devait théoriquement y avoir autant d'antimatière que de matière. Les astrophysiciens, ils ont un problème, ils cherchent l'antimatière parce qu'il reste beaucoup plus de matière que d'antimatière. On en crée et il y a une énergie extraordinaire à aller chercher avec l'antimatière. Et le travail se fait présentement sur la façon de conserver l'antimatière dans un contenant de matière. Matière à réflexion. Alors, on est en train de travailler sur les champs électromagnétiques. Et effectivement, la matière peut engendrer un champ électromagnétique qui peut contenir de l'antimatière. Panne de courant, il ne reste plus de vaisseau. Occupe-t-elle un espace absolu? Si oui, lequel? Non, non, même chose, même loi que la matière, sauf que c'est à l'inverse. L'homme est-il de l'antimatière dans un temps non physique et dans un espace absolu? Non, l'homme est de la matière dans un temps physique et dans un espace restreint. Lorsqu'on parle de la force christique, de la force michaélienne, de quelle force parle-t-on? Bon. Alors, il y a la force gravitationnelle, la plus petite, la plus faible force de l'univers. L'attraction, la gravité. Ce qui fait en sorte de créer des trous noirs. Ce qui fait en sorte d'attirer le Soleil autour de la galaxie, les planètes autour des Soleils, la Lune ou les Lunes autour des planètes. Et les choses dessus, c'est la plus faible force de la création. La preuve, tu peux sauter dans les airs. Il y a ensuite la force électromagnétique, celle qui permet de, celle qui oblige les molécules et les atomes, une grande partie des structures atomiques, à rester cumulées ensemble. Il y a ensuite la force faible, qui répulse. C'est pas fort, ça répulse les choses. Lorsque les protons s'attirent, là, sont proches les uns des autres, cette force les force à s'éloigner. Et il y a la force forte, qui fait que lorsque deux protons sont arrivés trop vite les uns vers les autres, lorsque la force faible ne peut pas les retourner, ils passent tellement proches que la force forte les agrippe ensemble. C'est ce qui engendre les atomes, les noyaux nucléaires. C'est ce qui va aussi maintenir, à l'intérieur, avec l'intermédiaire de phénomènes comme les gluons, tout ce qui va structurer les nucléons, tout ce qui constitue le système atomique, et non pas l'atome. Cette force-là, c'est la plus dure, la plus difficile à briser. C'est pourquoi, quand on arrive à faire une explosion thermonucléaire en fission, ça dégage énormément d'énergie, c'est l'énergie qui sert, ça dégage la lumière, on restructure les choses, et c'est ce qui demande plus d'énergie déjà pour le faire. On se sert de projections d'électrons, de photons ou de neutrons pour arriver à scinder des noyaux. La force christique est une force qui est beaucoup plus puissante que la force forte qui est connue par les astrophysiciens. La force christique, c'est une force qui a la faculté d'assembler la lumière, l'énergie et la matière. La force christique, elle se trouve elle-même à l'intérieur des constituants des quarks. Quarks qui, constitués ensemble à travers différentes forces, vont engendrer toutes les formes de nucléons, les mesons, les leptons, etc. Qui, structurés ensemble par une force échappatoire de la force christique, la force michaélienne, va devenir la force forte. Et il y aura des résultantes, force faible, il y aura la force électromagnétique, force vitale, et il y aura la gravité, qu'on appelle aussi l'attraction, qu'on représente dans la structure astrale comme étant l'amour. Être attiré par quelqu'un, être attiré par quelque chose, avoir des affinités, de l'affection, c'est de notre action. Une gravité comme la Terre, elle aime la Lune, elle aime le Soleil, elle tourne autour. Alors la force christique est une force qui engendre le phénomène quarks, qui permet la gestation de tout le système atomique et finalement tout ce qui va en découler jusqu'à l'homme. Au niveau du point le plus haut de la complexité dans la pyramide de l'organisation. Alors on peut parler longtemps, c'est des questions intéressantes, ce sujet est intéressant. Ont-elles un lien avec les forces melchisédiennes? Non, la force melchisédienne, ce n'est pas une force, c'est un emmerdeur. Un melchisédek, c'est un catalyseur d'évolution, c'est-à-dire que c'est un espace-temps différent. Bon, on va essayer de dessiner quelque chose. Alors, il y a la Terre. Disons, notre Soleil. On vit sur un Soleil. Le Soleil est ici. Ma tête, c'est un Soleil. Sa tête, c'est un Soleil. Il faut peut-être beaucoup d'imagination, là. Surtout pour ce bord-là, en tout cas. Deux Soleils. Quand je le regarde, je le vois. Mais si la lumière passe dans un canal qui passe par ici et longe le mur de la salle pour arriver vers lui, la distance entre nous deux sera déterminée par le temps que va prendre la lumière pour parvenir du centre de ressources à mes yeux, le récepteur. Si je décide de faire un vaisseau spatial pour voyager de mon soleil à son soleil, je vais voyager en fonction de tout ce que j'aurais établi à partir de sa position lumineuse. Alors je pars. Et je fais le tour de la salle. Mais continuellement, je le vois. J'ai l'impression d'aller en ligne droite. Je le vois. Mais pour continuer à le voir, je dois corriger ma route. Pour rester dans le canal photonique. Et je vais en réalité faire le tour de la salle. Un Melchizedek, c'est simplement un pont. Présentement, je le vois et c'est ça que je vois. Mais il y a un pont entre lui et moi, c'est un Melchizedek. Un vaisseau spatial qui voyagerait dans ce qu'on appelle l'hyperespace, donc dans la force melchizedienne, devrait partir. Exactement, je me dirige vers lui, ça veut dire qu'immédiatement, je ne le vois plus. Parce que je viens de sortir du canal photonique. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Alors, je dois maintenant fonctionner à partir de données, beaucoup plus intuitives que photoniques, pour voyager sans jamais le voir. Jusqu'à un moment donné où, dans mon vaisseau spatial, dans mes écrans, je vais voir des étoiles que je n'aurais jamais vues. Parce que leur canal n'était pas dans le canal qui me menait à son soleil. Et à un moment donné, tout disparaît et sa tête apparaît. Je suis arrivé. Mais ça m'a peut-être pris à la vitesse ordinaire d'un vaisseau spatial, disons à 35 km à la seconde, la vitesse des fusées, ça m'aura peut-être pris 2 ans. Alors qu'à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde, ça m'aura peut-être pris 3 générations. La force melchizedienne, c'est un peu la même chose. C'est un redresseur de temps, ou un courbeur différent, qui permet à des substances évolutives en gestation, qui permet de l'intelligence et de la lumière, de ne pas avoir à suivre un trajet courbé par l'espace-temps, mais qui peut travailler dans un phénomène melchizedien, un hyperespace, pour partir d'un centre émetteur et arriver plus directement à un centre récepteur, ce qui, dans la structure d'évolution conventionnelle, va catalyser l'évolution, va donc lui permettre d'atteindre un état temporel différent de ce que les autres auront eu, dans un état temporel dirigé par une rectification endoformique, pas endoformique, mais ondoïque, une forme courbée de l'évolution des phénomènes énergétiques lumineux, donc de tout phénomène énergétique qui arrive dans le contexte de notre planète. Alors, un Melchizedek, ce n'est pas une force, c'est un rectificateur de force, un rectificateur de courbure, qui permet des énergies lumineuses, donc de l'intelligence, de l'évolution, de partir d'un point d'émission et d'arriver plus rapidement à un point récepteur, même si tout le reste du cheminement devra parcourir dans l'ensemble le canal qui, normalement, est engendré par la courbure spatio-temporelle. Autrement dit, un individu dans son corps physique ne changera pas trop. En grosso modo, il aura à vivre le même phénomène, mais sa conscience aura changé parce que l'énergie n'aura pas passé par ce qu'on appellera la courbure de la vie, c'est-à-dire les 25, 75, 100, 125 ans de courbure qui te sont nécessaires pour parcourir ta naissance à ta mort ou à ton salut. Le Melchizedek est donc pas une force comme on la conçoit. Présentement, est-ce qu'il y en a sur la Terre des forces melchizediennes? Ils s'en viennent. Qu'est-ce qu'ils s'en viennent faire? Il y en a eu, comme ça qui se promène, là, mais du point de vue de l'efficacité, ils s'adaptent présentement du point de vue de l'efficacité de la rectification de... Quoi? Ça s'en vient. Ça s'en vient en maudit pour les autres. Puis leur rôle? Le rôle, c'est ça. Faire en sorte que, quand je te parle, au lieu que ça fasse comme ça avant qu'ils comprennent, que ça prenne 2 ans, eh bien, ça comprend tout de suite. Donc, ça va agir comme un genre d'intervention extraterrestre? Bien, ça ne va pas agir comme un genre d'intervention extraterrestre. C'est un phénomène extraterrestre qui va agir purement comme un rectificateur de courbure spatio-temporelle, tandis que l'homme ne peut pas le faire encore. Tu peux, toi, décider de cheminer vers le centre source, mais vu que tu n'as pas encore la masse pour courber différemment le temps et l'espace, échapper ce qui existe déjà, le Melchizedek, lui, est un canal qui s'étend. Maintenant, il y a un problème. Une force melchizedienne va faire en sorte... Bon, ça s'en vient. Ça me bouille dans la tête, à un moment donné, de faire un séminaire tome 2 de Daniel Kemp. C'est bizarre à dire. Tout comme on le dit. Un séminaire où, justement, on va... Ça me bouille. Ça va venir, parce que de temps en temps, j'en parle à des gens. Où, au lieu de parler pour que ça fasse le tour de la salle, pour que continuellement, tu puisses savoir où je veux en venir, où l'intelligence et l'infrastructure énergétique vont être appliquées de façon à ce que, possiblement, que le temps que le travail va se faire, tu ne seras vraiment pas où c'est que je veux en venir. Mais, justement, tu auras perdu l'objectif. Comme le vaisseau spatial se promène. Il voit toi. Alors il part, puis il te lâche pas. Puis il te voit tout le temps. Mais t'es loin, maudit. Puis il a l'impression qu'il va en ligne droite alors que tout est en courbe. C'est facile. Quand tu marches sur la planète Terre, tu vas en ligne droite. Mais courbe, mais c'est tellement grand que. Mais c'est en ligne droite. Bon. Et à un moment donné, il y a un moyen pour que, si notre bonhomme, le vaisseau spatial, décide de s'en aller directement là, il est totalement hors des contextes. Il ne t'entend pas, il ne te voit pas, il ne te sent pas, tu n'es plus là. Mais il marche directement vers. Et quand il va réintégrer le faisceau qui arrive chez toi, là, il va retrouver l'état qu'il recherchait au départ. Mais au lieu d'avoir pris tout cela ici au complet pour aboutir, il va avoir pris un chemin, une mécanique totalement folle. Du point de vue de l'ego, une mécanique qui n'a aucun sens. Mais ça va toi, tous les points, toutes les données pour que ton ordinateur puisse fonctionner, servent à rien, là. T'es plus dedans pantoute. Alors, il y a des forces melchisédiennes qui s'en viennent. Les melchisédèques, c'est fait pour servir l'homme. Est-ce que ça a un lien avec la télépathie? Non. Mais ce sera beaucoup plus rapide que la communication habituelle. Pourquoi? Parce qu'il y aura des rectifications au niveau de l'ego, au niveau de l'astral. C'est vibratoire. C'est supra-vibratoire. C'est vibratoire, ça va de soi, mais c'est... C'est une atteinte directe à l'ego, non pas par le cheminement qui, normalement, est prévu par l'ego. Autrement dit, au lieu de marcher, pour parler à l'ego, au lieu de fonctionner comme on le fait présentement, à partir d'une structure ajusteur de pensée, mentale, intellectuance, rectificateur de pensée, ajusteur psychologique et ego, et bien souvent avec l'aide de l'intellect même de l'individu, tu lui demandes de légiférer un peu sur ce qu'on vient de lui dire. Tu lui dis, le libre-arbitre n'existe pas. Il lui va dire, ben oui, non, ça existe, crime, je l'ai cité que je l'ai au séminaire. Puis là, tu lui dis, t'as pas décidé. Puis là, tu essaies de lui pomper. Puis par la logique, il finit par arriver à s'instruire que merde, c'est vrai, ça n'existe pas. Mais le punch n'est pas puissant dans l'ego. Mais évidemment, le travail, une communication melchisédienne ne se fait uniquement avec un individu qui est capable de la supporter. Ça peut être neuroniquement et psychologiquement extrêmement dommageable pour un individu qui n'est pas prêt. C'est pour ça que je ne peux pas travailler comme ça. Est-ce qu'il y a un lien avec l'intelligence qui descend des différents plans? Ben, ça va de soi qu'il y a un lien avec l'intelligence qui descend. Et l'intelligence va... Laquelle est plus haute? La force melchisédienne ou non l'intelligence qui... La force melchisédienne n'a pas de hauteur. Elle est plus efficace dans un contexte de communication de force d'intelligence. Elle n'a pas de hauteur. La force melchisédèque n'est pas intelligent. Ça permet la communication plus directe d'une information, mais ça n'informe pas. Donc, elle va travailler pour l'intelligence. Autrement dit, si j'aurais communiqué melchisédiennement avec toi, tu aurais déjà compris. Hein? Par contre, il faut être capable de supporter. Évidemment, si on fait une conférence ici, ça sert à rien que je commence à communiquer avec lui. Si je communique avec toi, il n'y a pas un seul qui peut suivre. Si je communique avec un autre, je ne peux plus suivre. Même pas en étant collectif? La force melchisédienne est une courbure qui s'adresse d'un soleil à un autre. Ça veut dire que mon ego, si je travaille avec toi d'un point de vue melchisédien, mon ego, pour le temps que je travaille avec toi, c'est absolument pas ce que je vais en venir, moi non plus. Autant que toi, tu ne sais pas pantoute où c'est que je vais en venir. Puis là, tu vas réagir, puis dans l'instantanéité, moi, je vais rectifier. Mais quand je dis moi, c'est une farce, pas l'ego, évidemment, c'est moi. Ça rectifie, et finalement, quand on arrive, on finit par s'entendre. Et c'est intéressant. En tout cas, ça va l'être pour moi. Moi, ça va faire un séminaire. À besoin de cobaye. Pourquoi un Melchisédèque planétaire est-il missionné, ou l'est-il? À résorber... Les mémoires de Jésus, ou pourquoi les mémoires de Jésus doivent-elles être résorbées par un Melchisédèque planétaire? Quel est l'intérêt de ce... Une question à la fois. Tu poses la première question? Oui. Pourquoi un Melchisédèque planétaire est-il missionné, ou l'est-il, à résorber les mémoires de Jésus, ou pourquoi les mémoires de Jésus... C'est une question. Il n'y avait pas de point d'interrogation. Moi, c'est pas grave, c'est une question pareille. Mais en... La résorption des mémoires nazaréennes, ou Jésus, peut prendre énormément de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'individus qui ont dilapidé ces mémoires-là à travers à peu près tout ce qui peut être courbé au niveau de notre planète Terre. Donc, un phénomène melchisédien est un phénomène catalysant qui va faire en sorte que toutes ces mémoires peuvent plus rapidement retrouver l'endroit où elles doivent se réincarner. Ce qui est à peu près totalement accompli. Et digéré. Pourquoi c'est totalement accompli? À peu près totalement accompli. Il manque de quoi pour... Il y a encore une petite mémoire fofolle qui traîne mal un peu partout. Mais il n'est plus tellement. Bon. Ils sont où ces mémoires-là? Dans l'astral. Puis dans l'astral, dans certaines âmes de certains personnages. Et le Melchisedec, même s'il n'a pas de mission, il a une fonction. Il est attaché à un ordre, il est attaché donc à exécuter. Les forces melchisédiennes, du point de vue des hiérarchies, je voulais pas le dire, parce que j'ai toujours été contre les hiérarchies, ça me fait hiérarchiser. Bon. Alors, les hiérarchies, les Melchisedec sont totalement en dessous des forces michaéliennes. Donc, elles sont exécutoires. Elles ne sont pas missionnées, elles sont fonctionnelles. Et Melchisedec, j'ai déjà expliqué que Melchisedec planétaire se formait à partir du refus d'un être humain d'accepter sa fusion avec son double éthérique. On pourra en reparler de ces phénomènes-là. Et les Melchisedec qui refusent deviennent des serveurs. Pas des serviteurs. Des serveurs de... De l'homme, de l'intelligence, de l'évolution, de l'ascension, de Michael, de Jésus, du Nazaréen. En as-tu d'autres? Non. Pourquoi les mémoires de Jésus doivent-elles être résorbées par un Melchisedec planétaire? Pour la simple raison que c'est un corps physique planétaire qui doit les résorber, donc le Melchisedec doit être suffisamment ajusté au corps physique planétaire de façon à pouvoir avoir l'expérience pour que la résorption se fasse en fonction de la psychologie de l'âme, en fonction des mémoires de Jésus, en fonction du corps physique qu'il va recevoir et en fonction d'un contact avec un ajusteur de pensée qui, lui, doit s'expérimenter au contact de la structure planétaire pour empêcher qu'il y aille... une prise au sérieux qui a différentes mécanicités qui font en sorte que la résorption ne sera pas. Ça va être résorbé jusqu'à un nouveau éclatement. Et c'est ce qui ne doit pas se faire. Donc, un Melchisedec planétaire est un humanisé, suffisamment humanisé. Donc, il y a un homme présentement qui se promène encore avec des mémoires, justement, de Jésus, du phénomène nazaréen. Ben, il y en a. Non, le Melchisedec n'est pas un humain. Le Melchisedec est la résultante énergétique du refus d'une conscience humanoïde, d'une conscience humaine astralisée, d'un contact avec un double éthérique. Donc, il y a le Melchisedec devient le double éthérique totalement libéré, qui va servir de canal pour permettre la résorption. Ça va servir de canal siphon, une espèce de bras d'aspirateur, qui va aller fouiller partout à travers l'astral pour ramasser les mémoires authentiques de ce qu'a été Jésus. Et pour les amener vers celui qui a la faculté maintenant de ne pas refuser le contact avec son double éthérique. Celui-là va nécessairement avoir la mécanicité. Il sera mécaniquement celui qui devra recevoir ses mémoires pour les digérer de façon à libérer le monde de la mort, de façon à libérer la conscience jésusienne, ouais, de l'homme. Quel est l'intérêt de ce Melchisedec planétaire? Où a-t-il le choix de le faire? Non, il n'a aucun intérêt. Oh, il n'a pas de libre arbitre, il n'a pas de créativité, il n'a pas de valeur personnelle à développer. Il est un serveur, il n'est pas un serviteur. Un serviteur, c'est un imbécile qui est placé en dessous, qui est médiat, plié. Un serveur, c'est celui qui sert. Il y en a qui sont mitrailleurs, puis il y a le serveur qui est à côté. Le serveur, s'il veut tirer de la gâchette en même temps que l'autre, il va manquer de munitions dans la mitrailleuse à un moment donné. Puis le serveur et le mitrailleur, ils vont se faire tuer. Le serveur, c'est celui qui accomplit une tâche aussi utile que l'autre. Mais dans sa mécanique, il donne à. C'est tout. Oui. Vont être totalement... C'est en réalité, c'est géosienne, on peut dire, qui est le terme plus exact. Okay. Est-ce que ça va avoir un effet sur la religion catholique? Ah oui, ça va avoir un effet sur bien les choses. Quels effets? Désastreux. Qu'est-ce que la religion... Extraordinaire, merveilleux, fantastique, épeurant, débile, yark. Est-ce que la religion va exister encore? Est-ce que la religion catholique La religion va exister tant qu'il va y avoir des religieux. C'est-à-dire combien de temps? Quelques centaines d'années. Mais ce qui est annoncé comme Apocalypse, on annonçait la fin, entre autres, dans les prophéties de Malachie. Il annonçait que la... Qui était Malachie? Malachie. Il y avait mal quelque part. C'était qui? Il y avait mal. C'était quelqu'un qui a fait des prophéties sur toutes les papes. Il les a volées, hein? C'est des prophéties de Malachie. De là vient le mal. Oui, il a prophétisé que le dernier pape, se ferait ramasser par les culottes. C'est ça. Et que la religion, il vendrait tous les biens de la religion. Est-ce que ça peut avoir un lien avec ce que tu parlais? Ça va décentraliser la religion, mais ça ne l'annihilera pas. Donc, il va y avoir des gens qui vont continuer à pratiquer quand même. Ah oui, alors, ceux qui vont dans les églises, la majorité qui ne savent même pas... c'est qui Jean-Paul II, ils continuent à prier pareil. La majorité de ceux qui vont dans une église ne prient même pas le même Dieu. Ils prient ensemble. Oui, mais il y a quand même un égrégore qui tient tout ça ensemble. Absolument, absolument, absolument. Mais ça va décentraliser, ça va sectariser les choses. Mais ça n'élimine pas la religion. C'est pas parce qu'on va tuer le pape et qu'on va vendre son trône que du jour au lendemain, la Bible n'aura plus de réalité pour la majorité des chrétiens. des catholiques et de tous les autres. Alors, ça va décentraliser. Il va y avoir beaucoup de petits papes. Est-ce que le Hanging Rock australien est un lieu interdit? Pourquoi? Hey, ça, c'est la question, mon ami. Non, hein? Ah bon. Est un lieu interdit? Pourquoi? Quel continent il y a eu à l'emplacement actuel de l'Australie? Ce n'est pas un lieu interdit. Mais c'est pas un lieu interdit. C'est un lieu interdit, dans le sens des lieux interdits, comme la conférence des lieux interdits. Bon. L'Australie, c'est un phénomène extraordinaire. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Australie. On va revenir. Comment faire cesser... L'Australie... Il y a un voyage bientôt que je vais peut-être faire en Australie, justement, pour aller enquêter. Alors, je peux même parler de ça, on ne sortira pas de la soirée ici, là. Comment faire... Mais juste comme ça, pour le plaisir, il y a 2-3 entrées sous le continent australien, il y a un continent caché. Sous l'Australie, il y a, proche de là, des portes qui sont tributaires de l'île de Pâques, qui sont similaires à ce que les pyramides de Khéops, Khéphren et Mykérinos devaient servir, et qui protègent Lhasa, la capitale, qui est à l'antipode de l'île de Pâques, Lhasa, la capitale mondiale du bouddhisme au Tibet, et maintenant c'est atténué. Et il y a les Pijanjara, les fils de l'intérieur en Australie, qui sont absolument géniales, pour la simple raison qu'ils vivent encore totalement archétypés aux structures néolithiques, c'est-à-dire qu'on a énormément de peuplades en Australie qui sont typiquement australopithèques, même s'ils ont même des ondes de forme biologiques crocromaniennes. Et c'est une région formidable pour aller relire l'histoire de l'humanité depuis la Lémurie, date où l'Australie a été créée, et aller jusqu'à aujourd'hui. On a créé les Sainte-Hélène ici, là, mais il y en a qui ont créé. En tout cas, c'est extraordinaire comme... Est-ce qu'il y a une énergie particulière? Oui, plusieurs énergies particulières. Sauf que plusieurs choses. Il y a beaucoup de mecs qui vont mettre les pieds en Australie et qui vont rien voir. Parce que ça dépend de qui visite. Moi, quand je visite, ce que je trouve, c'est pas ce que les gens ont trouvé avant. Puis quand je l'ai trouvé, ça vaut pas la peine d'y aller. La meilleure chose, c'est d'être là quand j'y suis. Comment faire cesser un harcèlement astral quand tu n'as pas encore l'autorité mentale? Ben oui, mais c'est ça. Voilà. Ça. Tu peux pas. Les barbites, connaissez-vous ça? Parle-nous de l'intentionnalité pure et de ses actions virtuelles. Ben oui, c'est bien. L'intentionnalité est-elle une qualité de l'intentionnalité pure? Non. Peut-on qualifier... On peut. Autrement, l'intentionnalité pure. Oui. Si oui, comment? Ben, en disant les choses. Comment l'homme peut-il cerner ou discerner l'instantanéité pure de l'intentionnalité pure? C'est différent à cerner et discerner. Hein? Discerner veut dire éliminer d'un cercle. Ressortir. Cerner veut dire entourer. C'est intéressant, mais c'est extrêmement important. Passons dans le papier. Parce que tu lis des questions une après l'autre. Parle-nous, bonsoir, si on l'a vu. Bon. Comment... Oui. Ils sont bien... Parle-nous de l'intentionnalité pure et de ses actions virtuelles. Quand je ne réponds pas aux questions, c'est parce que l'individu devrait être capable de se répondre. Les questions se court-circuitent elles-mêmes. Parle-nous de l'intentionnalité pure et de ses actions virtuelles. Si c'est virtuel, cela veut dire que ça apparaît pas et ça faillit. Et c'est ça l'intentionnalité. Tout le reste est de la réactionnalité. Alors, dans le système des mots, dans le système, tout cela, c'est... Parler de l'intentionnalité pure en fonction des choses virtuelles, avec une phraséologie qui n'est pas virtuelle, qui est mémorielle, ça permet de faire triper l'ego. Ce n'est pas correct pour comprendre. On ne peut pas le faire avec le langage conventionnel. Avec un langage d'oiseau, on peut y parvenir. Avec un langage télépathique, évidemment, c'est beaucoup mieux. Pas comme ça. C'est pour ça que j'ai pas voulu répondre là. C'est que c'était évident. Virtualité, intentionnalité, c'est impeccable. L'homme, dans sa finalité, est-il absorbé par l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience? Reste-t-il conscient de cela ou devient-il cela? Explique. Il ne reste pas il n'est pas conscient de rien. Pourquoi? Parce qu'il devient cela. Je vais finir les papiers. C'est répondu, mais on pourra expliquer un peu plus. Le cerveau de l'homme a besoin de mots pour comprendre, et lorsqu'on arrive au niveau de l'intentionnalité pure, les mots n'existent plus car hors de... Parce qu'on n'a plus besoin de comprendre. C'est uniquement pour ça, c'est l'ego qui a besoin de comprendre. Alors il prend l'énergie, puis il la formise. Il crée des formes avec, et avec ces formes-là, il arrive à contenir des choses, d'autres énergies, de l'information. Et l'information, tant qu'elle sert à informer l'humain, elle ne sert pas à l'énergiser. Elle énergie peut-être un peu, mais elle ne sert pas à l'énergifier. Quand l'humain est suffisamment énergifié, construit l'énergie, alors il a de l'information énergétique qui est de l'expression même de ce qu'il est. Il n'a pas besoin de mots, il ne parle plus. Donc quand il parle, il faut des mémoires qui te parlent des humains. Mais il n'a plus besoin de parler, il ne pose plus de questions, il ne se répond plus. Sa vie est extrêmement plate. Merveilleuse. L'homme cessera-t-il d'être réactionnel lorsqu'il fusionnera au rien? Lorsqu'il se fusionnera au rien. Non, il ne se fusionnera pas au rien. C'est l'ego qui pense que c'est rien le tout. Mais l'homme ne sera plus réactionnel, l'homme ne sera plus manipulé lorsque l'homme ne sera plus un homme. Les Melchisedec sont-ils des êtres réactionnels? Font-ils partie absolument, ou absolument. Jouent-ils... Ils ne jouent pas. Le rôle de la mécanique. Il n'y a rien qui joue dans l'univers. Rien qui joue, rien qui fait semblant, on n'a pas le choix. Vous jouez, c'est parce que vous n'avez pas le choix. Mais vous ne jouez pas. Le mec qui s'est un pauvre yob. Qui est pogné à faire couler de l'énergie sans jamais pouvoir y goûter, sans jamais pouvoir y boire. Job, le personnage de la Bible est-il un être qui a su développer sa simplicité? Non, c'est un être qui était simple. Dans le sens, Saguenay-Lac-Saint-Jean du terme. Par ce processus, a-t-il atteint le monde moronciel? Le monde supramental. Job vivait dans une époque où les corps physiques étaient beaucoup moins densifiés. Il y a beaucoup d'individus à l'époque qui avaient accès à des choses que vous allez avoir accès plus tard. Mais ils ne pouvaient rien faire avec ce qu'ils avaient accès. Job, c'était bien, mais c'était... S'est-il déjà réincarné? Ah oui, oui, oui, plus qu'une fois. L'est-il aujourd'hui? Si oui... Minute, une question à la fois. Bon. Job est réincarné aujourd'hui. Il y a un paquet de mémoire de lui, mais il faut que j'aille fouiller pour savoir comme ça, là. L'astromental, il sait pas, lui, c'est des annales akashiques. Il faut qu'on fasse tout le tour des annales akashiques de la planète Terre, tout le monde astral au complet, puis où ce qui manque de Job, on dit oui. S'il y en a beaucoup, on dit non. Alors, s'est-il réincarné? Dans réincarnation, mais il n'est pas encore réincarné, il cherche. Si oui, quel est sa job? Boge. Es-tu conscient de savoir instantanément ou bien sais-tu consciemment que tu sais que tu es conscient? Bien, moi, la relire et la comprendre aussi. Es-tu conscient de savoir instantanément? Non, absolument pas. Ou bien sais-tu consciemment que tu sais ce que tu es conscient? Oui. Quelle différence y a-t-il entre le savoir instantané et la conscience? La conscience, c'est un phénomène qui est astralisé. La conscience, c'est un phénomène qui permet de t'objecturer. C'est un phénomène, la conscience, qui nous permet de pouvoir diagnostiquer l'état et l'étendue de notre savoir par rapport à l'absence de savoir par rapport au reste. C'est la conscience. Lorsque je parle, j'ai accès à un savoir instantané, ce qui fait que je n'ai accès à aucune conscience. L'être est-il conscient de savoir? Non. Et sait-il qu'il est conscient? Oui. C'est pas paradoxal. Ben, ça l'est peut-être, mais c'est ça. Alors, quand je parle, quand on me pose la question, je vérifie si je suis conscient en restant vivant. Donc, je sais que je suis conscient. Mais je sais que mon ego n'est pas conscient. Mais tout le temps que je parle, je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir si je suis conscient ou pas conscient. Bon. Plus de questions, là? Non. Tu parlais de l'Australie? Oui. On en revenait. Ah, t'es fait, hein? Bon, l'Australie, tu planifies un voyage dans le but de quoi? Je planifie pas de voyage, pas en tout. Mais tu vas aller faire un voyage bientôt. Bon, bientôt. En Australie. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Je vais aller. C'est des possibilités. Qu'est-ce que je vais aller faire là? J'ai aucune idée, j'ai pas encore été. Je vais pas le savoir quand je vais revenir. Mais l'énergie qui baigne là, bon, tu dis que tu la vois différemment de ceux des autres qui mettent le pied là. Bon, qu'est-ce que tu vois différemment de ceux qui mettent le pied là, ils amènent toute leur coloration avec eux autres. Alors, ce qu'ils voient, c'est une farce. Bon, il y a dans le système planétaire encore des choses qui échappent à la majorité de l'humanité, parce que l'humanité a toujours l'impression qu'elle joue. C'est évident que l'humanité, l'homme n'a pas accès à tous les phénomènes de conscience encore. Moi, je parle de bien des choses qui sont que l'ego apprend, que l'homme apprend, que la femme apprend, mais l'humain n'a pas encore accès dans une conscience instantanée, donc dans une instantanéité de conscience, une conscience sans conscience. L'humanité, l'homme, n'a pas encore accès à ce genre de choses. Quand je visite un pays, que je visite le nord du Québec, que je visite même Montréal, ou que je visite l'Australie, le Pérou, ou d'autres régions de la planète, nécessairement, ce que je fais là est absolument, échappe totalement à la conscience de ceux qui sont là, sauf ceux qui sont avec moi. Alors, je peux rencontrer un touriste qui ne comprend rien à rien. Quand il va avoir fini, il va encore moins comprendre ce qu'il comprenait avant. Mais il y a des régions sur cette planète qui font partie de l'ésotérisme, de l'occultisme énergétique. Ce sont des régions qui canalisent l'énergie, qui compensent énergétiquement, qui sont trop organisées et qui engendrent un désordre dans certaines régions. Donc, en allant à ce point-là, on peut siphonner un peu cette énergie-là, ce qui engendre un désordre, une déstabilisation locale, permettant d'orchestrer une organisation ailleurs, transposition. L'Australie, pour moi, c'est intéressant parce que ça me permet d'aller fouiller à travers différents phénomènes réincarnationnels qui me constituent, des petites parties de rien du tout, qui ont aussi été des prémices de ce qui est arrivé par la suite sur différents continents à l'échelle de la planète, en l'occurrence l'Égypte, en l'occurrence l'Amérique du Sud. L'Égypte et l'Amérique du Sud ont eu un incident sur le nord de l'Europe et l'Amérique du Sud sur l'Amérique du Nord. Et par la suite, les Nords se sont rejoints entre eux. Alors, en Australie, il y a la possibilité en Australie de faire une descente aux enfers avec son corps physique. Pour celui qui peut, évidemment. Alors, il y a donc effectivement la possibilité en Australie de rencontrer. Oui, vous rencontrer. La descente aux enfers. Crocodile Dundee. Mais. La descente aux enfers avec un corps physique se fait consciemment? Ah oui, absolument. Donc, tu... L'humain avait la possibilité, lorsqu'il rencontrait certains en Amérique centrale et en Amérique du Sud, surtout en Amérique centrale ou Mexique, entre autres, l'humain a eu une époque où l'humain pouvait, lorsqu'il rencontrait certaines terrestrifications, mais qui se disaient humanoïdées, on appelle ça pas des gourous, mais tout proche, et par l'intermédiaire du peyote, l'humain avait la possibilité, avec son corps physique, de faire cette descente aux enfers. Et ce que Castaneda a tenté de faire, il a réussi un peu. Il y a d'autres personnages aussi qui ont fait ce genre d'expérience au Pérou et un peu ailleurs. Maintenant, c'est que ces visites amènent l'humain dans un retour aux enfers qui n'appartient pas à des faisceaux particuliers de l'humain et qui n'appartient pas non plus à des faisceaux distinctifs de l'humain. Celui qui va faire le travail de ce retour aux enfers fait un travail à travers un paquet de faisceaux mélangés, donc il descend aux enfers, mais d'un enfer qui n'est pas évolutif, un enfer qui brise des formes dans l'ego, un enfer qui fait éclater des consciences au niveau de l'ego, comme la marijuana pouvait faire aussi, mais la marijuana, comme le peyote, ont un problème, c'est qu'ils démolissent lentement le périsprit, le séraphin, ce qui fait en sorte que l'humain a de plus en plus de facilité à faire ce genre de voyage, mais à un moment donné, il devient une collectivité totale, il devient un troupeau aggloméré. En Australie, l'être humain, par son corps physique, sans prendre de drogue, simplement par une visite initiatique de certaines régions de l'Australie et par son abreuvement, la gustation, le boire, certaines formes énergétiques endoformiques, l'humain a la faculté de rencontrer des animaux humains, qui sont typiques de ce que l'humain était il y a de cela quelques années, on parle de quelques millions d'années. Alors, l'humain qui fait un travail convenable à travers les terres intérieures, les déserts, celui qui rencontre les fils de l'intérieur qui vivent là-bas, les pigeons Jarrah, a la faculté de faire un retour aux enfers avec son corps physique, donc il peut faire ce retour aux enfers avec une jeep ou un hélicoptère, pour qu'on comprenne bien ce que j'entends par corps physique. Maintenant, la vision de ce que l'humain va voir est nécessairement proportionnelle à sa conscience supramentale, à sa faculté de visiter les archétypes, à sa faculté de contrôler ses voyages astraux, à la faculté de contrôler ce qui le manipule de son vivant, à la faculté aussi de contrôler toutes les illusions qui vont naître devant son travail pour essayer de faire paniquer son ego. C'est intéressant. Puis quelles sont les luttes qu'un homme qui, justement, a l'intention de faire une descente aux enfers doit rencontrer? Ben, premièrement, on commence par lui prouver que c'est une farce. Donc, il peut se faire bouffer par un crocodile, il peut se faire bouffer par un serpent. Enfin, bouffer. Il se peut faire attaquer. Il peut se faire attaquer par des pilleurs. Il y en a plein de pilleurs quand tu t'en vas un peu au niveau des terres. Il peut mourir dans la jungle, il y a aussi des gens. Il peut mourir simplement gelé. Il peut mourir sous le soleil torride d'un désert. Il peut carrément mourir de faim, mourir de soif et se perdre. C'est le début, ça, c'est la banalité. Et puis, si l'humain est suffisamment organisé pour supporter ce genre de fléau, eh bien, il rencontre des peuples. Ces peuplades vont vouloir l'initier par certaines drogues. Dans certains cas, il devra absorber les drogues, mais il devra être capable de transmuer les drogues pour que les drogues ne le droguent pas. Et là, c'est autre chose. Ça demande une manifestation intéressante. Et il doit aussi être capable de décoder le langage, un langage que ces personnages ne connaissent même pas. Il va faire ce qu'une élite a déjà fait. Mais les autres, ils l'ont fait mieux que nous autres. Il y a de cela quelques années, en Europe, c'était en Suède, il y a des personnages qui, c'est au 17e siècle, début du 18e siècle, qui sont parvenus à inventer une machine qui leur permettait de transporter leur illusion endoformique à travers des archétypes. En langage conventionnel, à voyager dans le temps. Bon. Et ces personnages ont été jusqu'à... Ça a été repris par la suite parce que la trace archétypale est restée par des romanciers. Ils voulaient bâtir une société comme Ofsa. Mais le problème majeur de cette société était toujours l'animal humain qui les entourait, donc les agressions de l'extérieur, les guerres, les pilleurs, les voleurs, etc. Sans compter tout ce qui vient au niveau de la désinformation par ce qu'on appelle l'information. Alors, ils ont transporté dans le monde du passé, à l'époque des dinosaures, suffisamment de matière structurée pour reconstruire une société dans ce monde. Alors, est-ce que les autres, ils ont eu la solution à leur problématique, était que si l'animal humain est le problème majeur, la meilleure chose pour construire une société nouvelle, c'est de la construire là où il n'y a pas d'humain. Et là où il n'y a pas d'humain sans radiation, c'est avant que l'humain existe. Alors, ils ont créé une société qui existe encore, qui portait un nom, qui a servi les légendes par la suite. Son nom, c'est Thulé. Et elle existe dans une terre verte qui est au Groenland, dans un passé. Alors, il y a aussi une base militaire américaine qui s'appelle Thulé. Bon, mais ça, c'est américain, c'est la guerre, Thulé. C'est pas pareil. Alors, en Australie, on a la possibilité de faire un peu ce retour. Il n'y a pas de dinosaures. Les dinosaures, il en existe un peu dans le Pétain, il en existe un peu en Afrique. Et on a la possibilité de rencontrer les hommes des cavernes et de faire une descente lentement. On parle aux enfers. L'enfer, c'est simplement les mémoires qui disparaissent de notre monde. Alors, il y a la possibilité, avec un corps physique, de faire ce retour. Et si l'individu a une conscience suffisamment instantanée dans sa vision supramentale, avec une décoloration par anégorisation suffisamment complétée, il y a la faculté de vivre avec ces individus-là des choses que les individus eux-mêmes vivent dans leur quotidien, mais des choses que les individus n'arrivent même pas à conscientiser. Alors, réellement, il fait un retour dans le passé. À part d'une initiation, une descente aux enfers, ça apporte quoi? Ben, ça apporte quoi? Des souvenirs, si tu veux en ramener. Ça donne absolument rien? Ben, à part ce que ça donne, non, ça donne rien. Donc, il y a d'autres choses à faire quand même? Ben, à part l'initiation, tout ça, oui, tu peux y aller, les prendre en photo. Tu peux ramener... Dans la jungle, au Pérou, les bonhommes, les indigènes, ils nous faisaient des démonstrations avec des grosses sarbacanes. Alors, ils tiraient une petite aiguille en plein dans une cigarette. Les touristes ont des cigarettes. En plein dans une cigarette à 20-30 pieds. Et après ça, qu'est-ce qu'ils vendaient aux gens? C'était des sarbacanes longues de même. Une sarbacane, ça mesure 6 pieds, 7 pieds. Une sarbacane d'un pied, un pied et demi, tout croche, tout bouché. Avec des oiseaux, avec des pierres, à la place des yeux, puis tout ça. Tout ce que finalement, on t'empêche de rentrer au Canada. Bon. Donc, que tu achètes, puis que tu repères en sortant de douane. Mais remarque, c'est des Pérouviens qui visitaient, mais quand même. L'individu qui s'en va dans ces régions-là peut faire la même affaire, peut revenir avec un paquet de conneries. Mais il y a une nuance majeure entre t'asseoir là et respirer l'onde de forme. C'est plein d'émanations de vapeur du passé qui traînent là, qui ne demandent qu'à être respirées. La respiration va nécessairement venir affecter le sang. Le sang étant affecté, l'astral va le lire. L'astral le lisant, tu fais une descente aux enfers. Et c'est pas une drogue. Mais l'humain qui vient là... Des photos. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur la Terre qui... Oh oui! Comme? Le Québec! Québec? Oui, il y a encore beaucoup d'hommes des cavernes ici. Il y a l'Amazonie, le plateau du Mato Grosso, entre autres, où il y a des géants qui vivent là. Il y a des cyclopes qui vivent encore là. Il y a une partie des Rocheuses où on peut rencontrer encore des vestiges assez intéressants de certaines choses. En l'occurrence, les Sasquatch. Il y en a Manitoba, il y en a un peu ailleurs, là, mais disons que les Rocheuses, il y a des régions très, très, très particulières qui sont vachement intéressantes. Il y a le Tibet, parce que je dis, je vais en Australie, peut-être je vais aller dans l'Himalaya aussi, on ne sait pas encore. Il y a le Tibet. Mais je ne parle pas d'aller à la capitale Lhasa, tu vas là prendre aux toilettes, prendre une douche. Là. Bon, après ça, tu t'en vas dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya, il y a une région intéressante aussi, où il y a des individus qui ont fui. Il y a plein de choses comme ça, à faire chier l'Occidental. Parce que l'Occidental aimerait vivre ce genre de choses-là, mais son corps physique ne lui permet pas de rester là. Il faudra que l'Occidental, il faudra que le supramentalisé, que le conscientisé crée lui-même sa propre structure, son propre monde, sa propre humanité, sa propre société. Alors, on peut faire des visites par voyage astral, on peut faire différentes choses comme ça. Dans le passé, à Tulé, c'est autre chose, mais dans les Manayas, il y a une société qui existe encore, qui est extrêmement chaude là-bas, parce qu'il y a des trous, il y a des sources d'eau chaude qui viennent de sous la terre, qui se forment sous forme de geysers. Cela engendre des nuages, des vapeurs, qui sont totalement repoussés par les nuages de froid qui sont là. La chaleur n'arrive pas à traverser cette compacité de nuages, et cela crée des microsystèmes, des microclimats écologiques qui permettent à une végétation très luxuriante de pouvoir vivre. Et il n'y a pas d'insectes, il n'y a presque pas d'animaux, sauf ceux qu'on a amenés, et il y a des humains qui vivent là aussi. Mais l'Occidental qui va là ne peut pas vivre là, parce qu'il n'y a pas d'informatique là. Ah, certains vont dire, c'est pas grave, moi si je serais là, ça s'ennuierait vite, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de robots, ce n'est pas pour nous. C'est un autre monde, qui est génial, adapté à l'Oriental, entre autres. Ce n'est pas notre monde. Alors notre monde, nous autres, il se fait peut-être sous des dômes, il se fait peut-être avec des robots, il se fait peut-être avec une technologie qui est différente. Mais dans une société où il n'y a pas de prédateurs. D'autres hommes. Donc, ça va insinuer que l'homme nouveau... Ben, l'homme nouveau va être seul. Comme il est toujours été seul, de toute façon. C'est pas compliqué, l'homme nouveau. Je résume brièvement, c'est important, utile. L'une des traces les plus dommageables de l'évolution de l'homme, c'est le libre-arbitre, cette illusion. Je l'attaque régulièrement. On n'a pas le choix. Tant qu'à ne pas avoir le choix, soyons manipulés par quelque chose qui va nous amener au moins là où il y a de l'intelligence. La valorisation est une farce, une lubie. Cessez de vous croire médiocre. Vous allez cesser de la compétition. C'est simple. La créativité est une connerie. L'humain n'est pas créatif. L'humain est réactionnel, donc réactif. Vouloir vivre d'une création, vouloir être créateur, vouloir supporter sa créativité, vouloir exprimer sa créativité, c'est vouloir être tout sauf ce qu'on est. Il y a une hiérarchie. La hiérarchie, elle est établie à partir de ce qui descend dans l'homme, à partir de la génétique. Vous ne pouvez pas la supporter, votre propre niveau, ça va venir. Aristocratisez-vous, mais ça va venir. Mais nécessairement, il y aura des individus qui seront au niveau 3, au niveau 4, au niveau 2, au niveau 1, au niveau 5. Si on veut monter sa classe hiérarchique, on devra monter le chapeau au complet. Si on ne veut pas, on ne montera pas. On peut changer la différence de potentiel, la valeur psychologique, la perception psychologique émotive. Alors, on change de pyramide. On a une pyramide plus faible. Nécessairement, on est plus haut. Plus haut par rapport à la tête. Et dans une évolution d'intelligence, on ne vise pas à être plus haut par rapport à la tête. On vise à être plus haut par rapport aux pieds. S'éloigner de la merde. Et non pas monter par-dessus les autres. Il y a un cave qui dit, mieux vaut être le premier dans un village que le deuxième à Rome. Je vais travailler comme un imbécile, reste premier dans ton village. Le deuxième à Rome a mauditement mieux que toi premier dans ton village. Alors, trouvez son trou. Puis restez dedans. Travailler, c'est parce qu'on n'a pas compris. C'est parce qu'on n'a pas compris. On est encore obligé de travailler, c'est correct, on n'a pas encore compris, ça va. À un moment donné, il faut créer des synergies. Que le travail se fasse. Sans l'homme, sans la femme. Et que le résultat organisationnel nous revienne de droit. Qu'on ne s'assujettisse à un karma blanc. Puis qu'on laisse aux autres le karma noir. On n'y échappe pas. pas pour l'instant. Tant qu'il y aura des humains qui voudront souffrir, il y aura du désordre qui pourront absorber.